Si vous voulez dire à quelle heure, vous direz aux alentours de combien d'heures? Om wie viel Uhr? Om, c'est autour de. Wie viel, ça veut dire combien? Et Uhr, qui s'écrit UHR, signifie heure. Om wie viel Uhr? Wie, vous connaissez déjà, ça veut dire comment? Et viel, c'est beaucoup. Beaucoup de fils. Ne vous en mêlez pas avec tous ces fils. Donc, viel, c'est beaucoup. Ça s'écrit V-I-E-L. Viel. On retrouve le V qui se prononce F en allemand. Viel. Viel. On a donc um wie viel Uhr, mot à mot, aux alentours de combien d'heures, c'est-à-dire à quelle heure? Um wie viel Uhr? Alors, à quelle heure voulez-vous la voir? Ça donnera Om. Om wie viel Uhr? Om wie viel Uhr? Voulez-vous? Wollen Sie? Oui. La voir? Es haben? Très bien. Om wie viel Uhr wollen Sie es haben? Comment dit-on déjà être? Sein. Sein. Sein. Ça s'écrit S-E-I-N, mais E-I en allemand se prononce I. Alors, à quelle heure pouvez-vous être ici ce soir? À quelle heure? Um wie viel Uhr? Uhr, oui. Um wie viel Uhr? Pouvez-vous? Können Sie? Ce soir? Abend? Ce soir. En allemand, c'est aujourd'hui soir, donc heute. Heute Abend? Être ici? Hier sein? Bien. Um wie viel Uhr? À quelle heure? Pouvez-vous être ici ce soir? Können Sie? Ce soir? Heute Abend? Être ici? Hier sein. Um wie viel Uhr können Sie heute Abend hier sein? Et comment dirait-on à quelle heure voulez-vous être ici? Um wie viel Uhr? Oui. Um wie viel Uhr? Um wie viel Uhr? Voulez-vous être ici? Wollen Sie hier sein? Bien! Encore une fois. Um wie viel Uhr? Um wie viel Uhr wollen Sie hier sein? C'est ça. Um wie viel Uhr wollen Sie hier sein? Et maintenant, à quelle heure pouvez-vous être ici aujourd'hui? Um wie viel Uhr können Sie heute hier sein? Très bien. Um wie viel Uhr können Sie heute hier sein? À quelle heure serez-vous ici? Um wie viel Uhr? Um wie viel Uhr? Oui. Serez-vous ici? Donc, allez-vous être ici? Werden Sie? Werden Sie, tout à fait. Être ici? Hier sein? Bien. Um wie viel Uhr werden Sie hier sein?